Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. On va parler des élites de Ville-Saguenay, des élites qui ont remporté le Challenge Midget 3A. Ça s'est déroulé en fin de semaine dans la région de Montréal. Les questions de savoir davantage, on parle avec Charles Tremblay de Saint-Félicien. Salut Charles! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien Charles. Hey, dis-moi, j'ai vu sur les médias sociaux, c'est ton plus beau challenge de ta carrière que maintenant? Honnêtement, c'est le plus gros tournoi je pense que j'ai gagné dans ma vie. Le tournoi où est-ce que le niveau de compétition est le plus relevé. Puis écoute, là, soulever à la coupe à la fin, je pense que c'est le plus beau feeling que j'ai eu dans ma vie. OK, OK. Dis-moi, la compétition était très relevée. Hein? Comment ça marche? Ce qu'on appelle un showcase, c'est ça? Oui, dans le fond, c'est un showcase qui regroupe 24 équipes. OK. Donc, toutes les équipes de la Ligue Midget 3, puis quelques équipes de l'Ontario et des États-Unis, si je ne me trompe pas. Et puis, tu as une ronde préliminaire. Okay. Les deux premiers matchs comptent dans la saison rivière. OK. Contre des équipes Midget 3 de la région. OK. Et puis, après ces deux matchs-là, c'est un troisième match, tu classes pour un troisième match. Ça, souvent, c'est contre une équipe de l'Ontario ou des États-Unis. Mm. Et puis après ces trois matchs-là, là, c'est le premier de chaque poule. Dans le fond, il y a six poules de quatre équipes. C'est le premier de chaque poule qui passe et les deux meilleurs deuxièmes. OK. Puis vous autres, vous avez été quoi? De finale. Vous avez été quoi? Vous avez été dans tout ça? Dans le fond, vu qu'on a gagné, on a perdu en tir de barrage, le premier match. Okay. On a réussi à finir premier notre poule malgré une défaite. OK, OK, OK. Premier de votre poule. Est-ce que c'était une division qui était relevée? Est-ce que c'était... Dans notre poule, le niveau de jeu était assez relevé. C'était un poule qui était vraiment physique. On avait nous, on avait Lac-Saint-Louis. Okay. On avait Gatineau, on avait une équipe de l'Ontario. Ça s'appelait Valley Summit. OK, OK. Puis ça, j'imagine que qu'est-ce qui a fait la différence? Un tournoi, normalement, c'est pas nécessairement comme une saison. Il s'agit d'avoir un gardien de but qui est hot, qui fait la différence. C'est tout ça qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait, en fait? Honnêtement, moi, ce que je pense, là, selon ma vision des choses, c'est que ce qui a fait la différence comparativement aux autres équipes, probablement, c'est qu'on était 20. Les 20 joueurs, honnêtement, là, ils se sont tous sacrifiés un par un pour l'équipe. Écoute, t'aurais vu ça, Danny, on bloquait des lancers, là, ça avait aucun bon sens. Nos gardiens de but, justement, ont été sur la coche, là, ils ont fait un job exceptionnel. Puis, on était vraiment là, on a oublié la fatigue, on a tout oublié, tu sais, parce que, au fur et à mesure que le tournoi avance, mettons, à la fin, on a joué 6 games en 4 jours, je pense. Des games de 3, c'est long, c'est un niveau de jeu relevé, contact physique, tout. Fait que c'est vraiment de s'oublier là-dedans, puis vraiment penser juste à l'équipe, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a gagné le challenge. OK, OK. Dis-moi, si on parlait un peu de cette, de la suite des choses, certainement que cette victoire-là va avoir des conséquences pour le reste de la saison et ça doit augmenter le niveau de confiance terriblement de l'équipe, là. Oui, c'est sûr. Ben, vraiment, en allant là-bas, c'est sûr que, mais peu importe l'équipe que t'es, tu deviens vraiment une équipe. Tu deviens comme, si tu vis avec tes coéquipiers 7 jours de temps. Mm. Fait que là, je veux pas les liens, c'est encore plus. Puis en gagnant ce challenge-là, comme tu le dis, le niveau de confiance est assez relevé dans l'équipe, puis on est prêt pour la suite des choses. Puis comme notre entraîneur nous l'avait dit, lui, déjà, j'en ai gagné des séries universitaires, si je me trompe pas. Il avait dit, quand t'es un champion, tu écoutes une fois, ben, tu veux encore y goûter, puis tu veux jamais arrêter. Puis c'est ça que ça a fait. On a comme eu la piqûre, puis on veut jamais arrêter. Fait que là, les séries vont être vraiment importantes, puis on les veut autant. Puis là, toi, t'es repêché, c'est sûr, t'es repêché par les Saguenay de Chicoutimi, mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été repêchés. Eux autres font ça, j'imagine, pour les dépisteurs, hein? C'est exactement pour ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. Ben, ça choisit, dans le fond, tous les dépisteurs sont là. Probablement, là. Il n'y a pas un dépisteur qui n'est pas là. Tu sais, je veux dire, il y a des zones dans les estrades réservées aux dépisteurs, excuse. Il y en a à peu près, à chaque match que tu joues, je dirais qu'il y en a minimum 20 à 30 qui te regardent. C'est vraiment, tu sais. Ouais, c'est beaucoup. OK. Dis-moi, est-ce que tu en as parlé? Il y avait certainement des gens, des élites de Ville-Saguenay qui étaient là, de l'organisation. Là, c'est sûr que je m'adresse à un joueur. Mais tu as dû entendre parler un peu. De mémoire, est-ce que c'est la plus grosse victoire de l'histoire de l'équipe midget de Jonquière? Il y a eu les cascades avant, il y a eu les élites. Est-ce que c'est la plus grosse victoire? Est-ce qu'il y a des gens qui t'en ont. Est-ce que tu n'as entendu parler? Parce que de mémoire, là, je me rappelle, les cascades. Il y a eu des années très difficiles là, à Jonquière. Puis il y a 2 ans, il y avait de gros espoirs. Finalement, ça a fait patate en série. Mais cette victoire-là, c'est-tu la plus grosse de ce que tu as entendu parler? Là? Ben, notre directeur, dans le fond, Daniel Neptum, ça fait 15 ans qu'il est à son poste. Ça fait 15 ans qu'il est là, puis qu'il est à son poste de là. Puis il dit, ça fait 15 ans que j'attends ce moment-là, puis gagner quelque chose avec cette organisation-là. C'est l'année passée, ils ont passé les proches, ils sont allés en finale. Mais tu sais, ils n'ont pas encore gagné. Cette année, on a gagné le tournoi. Tu sais, ça, c'est pour l'organisation, c'est ce qu'ils ont dit. Je pense que c'est vraiment la plus grosse victoire de l'organisation. En tout cas, depuis longtemps, si jamais ils ont déjà gagné le challenge. Puis écoute, non, même pas. Le challenge, ça fait 12 ans qu'il existe, ça veut dire que c'est la plus grosse histoire de l'organisation tactile, oui. T'as raison, Dani. OK, ah ouais, parce que moi, les cascades, je me rappelle des cascades, c'était pas fort, là. C'est ouf, il y a eu des années noires du midget 3 à Ville-Saguenay. Oui. Hey, dis-moi, Charles, dernière fois, on s'est pas reparlé depuis un petit bout. Je veux te parler de ton passant avec les Saguenayens en Abitibi. Ça a bien été? Oui, ça a très bien été. Ça a très bien été, voilà. OK. Es-tu content? Es-tu vraiment, qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu as des chances de te rappeler après les fêtes? Ben, oui, ils vont me rappeler après les fêtes. Là. Ça a été confirmé ce matin. Je vais finir la saison avec eux. Ah, OK. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, évidemment, il faut peut-être s'attendre à des changements, autrement dit, là, du côté des sacs. Es-tu content, certainement, que ça va selon ton objectif? Oui, vraiment, c'est ça, exact. J'ai travaillé pour ça, puis... C'est quand tu travailles, les bonnes choses arrivent au monde. Ben, effectivement. Ben, Charles, félicitations. T'es à tes derniers matchs avec les élites. Un gros, gros merci, puis on se reparle prochainement. Parfait, merci beaucoup, Dani. Charles Tremblay, des élites de Jonquière, puis après les fêtes, des Saguenay de Chicoutimi.